Le mot taxi, ou en anglais cab, C-A-B, ça vient du français cabriolet, ce qui veut dire sauter comme une chèvre. Et c'était comme ça que les. Dans le fond, on dit que c'était au 19e siècle, les taxis rebondissaient dans les rues ou presque. Wow! Cabriolet. Et non, c'est pas ce que les gens faisaient en arrière du taxi. Non! Un cabriolet. Ouais, boing, boing, boing, ouais. Boing, un petit peu de penny. Oui! Si une souris est saoule. Dans le fond, un autre camarade fourmi va le transporter sur son dos pour l'aider à passer au travers de ça. Pour l'aider à éliminer son alcool. Donc, ah ouais. Le transporter sur son dos jusqu'à temps qu'il soit plus sous. La Norvège a introduit le sushi au saumon. Et ils ont amené ça aux Japonais. Donc, ça venait de la Norvège. Le sushi saumon. Le sushi au saumon. Ah ben! Bonne invention! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On parle de Stonehenge, donc on est dans le domaine archéologique. Depuis 90 ans, des scientifiques creusent des collines de Preseli au Pays de Galles dans le but de découvrir les origines des célèbres pierres bleues du site de Stonehenge situé à près de 350 km de là. Mais une récente étude laisse à penser que ces roches viendraient en fait d'un relief situé à moins de 2 km du monument de pierres suspendues. Hein? Un siècle, ça fait près d'un siècle donc que ces équipes d'archéologues britanniques bravent les vents et les pluies des collines de Preseli afin de percer le mystère du site de Stonehenge. Donc, ils sont censés provenir de là, mais non, d'après les nouvelles recherches sur le moins publié, il semblerait que ces générations scientifiques aient eu fausse note. Et ils voulaient que ça soit loin, hein? Ils voulaient que ça soit mystérieux. Les roches en question provenant en fait d'un autre relief relocalisé à seulement quelques centaines de mètres de Stonehenge. Hein? À l'origine de cette découverte, eh bien, c'est Richard Bevin, directeur du département de géologie du Musée national du Pays de Galles. En utilisant des technologies de géochimique, eh bien, le chercheur accompagné d'une équipe de ses confrères a analysé des échantillons rocheux provenant de Preseli et de Stonehenge pour arriver à la conclusion qu'elles n'étaient pas les mêmes. En revanche, il a pu établir une correspondance entre les pierres de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et celles retrouvées sur la colline de Cairn, Cairn Keodog, qui se trouve à moins de 2 km. Je ne m'attends pas à recevoir des cartes de Noël de la part des archéologues qui ont procédé à des excavations au mauvais endroit pendant toutes ces années, s'est amusé Bevins dans une interview au Guardian. Il dit « J'espère simplement que nos récentes découvertes scientifiques vont influencer la question sans cesse débattu de la façon dont les pierres bleues ont été transportées jusqu'à la plaine de Salisbury, où se trouve le fameux site de Stonehenge. Et si la plupart des chercheurs estiment désormais que les pierres bleues ont été transportées jusqu'à Stonehenge par l'homme, une autre théorie plus complexe vient de voir le jour. Selon certains, les roches débarquées sur le site il y a environ 4500 ans auraient été poussées vers l'est par la fonte des glaciers. OK. Presque tout ce que nous croyons il y a 10 ans sur les pierres bleues s'est avéré être partiellement ou totalement incorrect, explique Bob Ixer de l'Université College de Londres, qui a également participé aux recherches. Il dit « Nous devons continuer à rechercher et à étudier ces pierres pour obtenir de véritables réponses. » Donc, le mystère n'est pas complètement résolu. C'est bien comme ça. Ici, un autre mystère, hein, c'est le mystère de la virginité. De cette Brésilienne de 21 ans qui a décidé de vendre sa virginité au plus haut offrant pour la deuxième fois. Eh bien oui, en octobre 2012, un Japonais avait déboursé 600 000 euros pour remporter la mise sans pouvoir honorer la jeune femme. Mais c'est quoi, il n'a pas été capable? On ne le sait pas. On le sait, les sites comme Le Bon Coin ou Kijiji renoncent d'annonces aussi insolites que loufoques. Pourtant, vous ne trouverez pas sur le site de français, donc celle de Uni Canadien, celle de Catarina Migliorini, oui, une Brésilienne de 21 ans au joli minois. Vraiment une jolie dame. Et on comprend qu'elle veut faire de l'argent avec ses fesses, là, mais à part ça, on comprend pas. En tout cas, on va finir l'article. Hein. Il décide pas de vendre sa voiture, ni des meubles, ni un téléviseur, mais rien de moins que sa virginité. Et cela pour la deuxième fois en un an. L'étudiante sud-américaine avait en effet mis aux enchères son pucelage l'an dernier dans le cadre d'un documentaire qui faisait polémique intitulé Virgin Wanted, réalisé par un Australien du nom de Justin Sisley. Le 24 octobre donc 2012, un Japonais nommé Natsu avait déboursé la coquette somme de 780 80 000 $ pour rafler la mise. Problème, l'acheteur ne correspondait pas à la description faite à la jeune femme qui a donc décidé d'annuler la transaction, comme elle le raconte sur son site Internet. Cela ne s'est pas passé comme prévu à cause de désaccords entre Justin et moi. J'ai rencontré Natsu dans un restaurant à Sydney et ce n'était pas un homme de 53 ans comme le Justin le prétendait, mais un jeune Japonais de 21 ans avec lequel je n'avais pas d'accord. OK. Donc, elle aurait aimé mieux le bonhomme de 53 que le jeune Japonais de 21 ans. Mais est-ce que l'argent était là? On ne le sait pas. Donc, un an plus tard, Catarina, devenue au Brésil une attraction comme le sujet de débats passionnés, elle retente sa chance plus déterminée que jamais. « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle et personne dans le monde ne peut prétendre le contraire », assure la jeune femme. « Je suis toujours vierge et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer mon propre site Internet pour mettre aux enchères ma virginité. Et cette fois, c'est pour de vrai. Donc, avis aux hommes ou aux femmes intéressées », dit-elle. Elle est prête à perdre sa virginité, donc avec une dame aussi. Parfait. Celle-ci, qui se présente comme la vierge la plus célèbre du 21e siècle, assume donc sa démarche controversée. Je sais que cette décision n'était pas très conventionnelle, mais c'est mon choix, confie-t-elle au Huffington Post. Je suis la seule propriétaire de mon corps, je suis majeure et j'ai le droit de faire ce qui me plaît. J'accepte toutes les critiques, positives ou négatives. Et dans un entretien accordé au site brésilien Pure People, Catarina affirme espérer récolter au moins 500 000 euros. Donc, pas mal au même prix que l'autre fois, là, 750 000 $. Aucune offre n'a encore été formulée alors que le suspense prendra fin le 9 décembre. Allez voir ou inscrivez Catarina Migliorini sur Internet pour plus d'informations si vous avez beaucoup, beaucoup de sous à dépenser. Hein? C'est ça que je pourrais vous dire. Sinon, je vous offre la police ici. Eh oui, non, c'est pas la même chose, mais la police a quand même trouvé bon. Hein? Elle a repêché deux coffres au trésor, donc deux caisses contenant des bijoux et des pièces de monnaie ont été sorties du lac Valenstad. D'après moi, c'est près de Handem. Ça doit être en Suisse. Donc, la police sainte-galloise a repêché deux coffres dans le lac de Valenstad, près de la rivière de Handem, dimanche, et les deux caisses contenaient des bijoux et des pièces de monnaie. Pour tout de suite, les agents tentent de découvrir qui en sont les propriétaires, mais on n'a toujours pas d'informations. Peut-être que je pourrais donner mon nom. Ce serait peut-être difficile de justifier comment mon argent se retrouve là, mais bon, c'est un autre problème. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. C'est toujours C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et cette fois-ci, on fait un petit bloc sur les faits étranges par rapport au corps humain, Jean-Philippe. OK. Corps humain, c'est toujours une bête fascinante. Oui. Le corps est une bête. Ah oui. C'est ça. Tu sais que c'est ça, hein? Vas-y. Laisse libérer la bête en toi. Oui, les belles et les bêtes. Disait ça, je pense. Les sages. Les jeudis matin, à 10h. Donc, les blondes, savais-tu que les blondes, bon, évidemment, on dit « blondes have more fun », c'est dans la vie, les blondes ont plus de fun, on dit le stéréotype là-dessus, mais savais-tu qu'elles ont plus de cheveux aussi? Ah! Les gens qui ont, les gens en général, pas juste les femmes, qui ont les cheveux blonds, typiquement ont 146 follicules de cheveux, comparé à 100 000 pour les gens qui ne sont pas blonds. Mais ben... Intéressant. Puis c'est ceux qui sont blonds châtains. Ouais, il va falloir faire une moyenne des deux. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Là. C'est ça, mathématiquement. Là. Mm-hmm. Les poitrines maintenant, les seins. Un sein moyen va contenir entre 4 et 5 % du gras corporel d'une femme et va peser environ 1,1 livre. Un sein. Un sein. En tout cas, le sein moyen, comme on dit au début de la phrase, donc 1,1 livre. Oui, parce que moi, j'ai syntonisé TQS en fin de semaine, puis okay. À l'heure où j'étais, c'était... Tu viens de quelle année, toi, déjà? Hey, il faisait tirer des boules là, à l'instant gagnant. Là. C'est tout ce qu'ils font en stade de boules, je pense. Ouais. Ouais. Pige des boules. Woulou! Les poumons, maintenant, qui sont quand même spéciaux. Là. Le poumon gauche est plus petit que ton poumon droit, parce qu'il doit faire de la place pour le cœur.

you know. Ensuite, le philtrum. Philtrum, est-ce que tu sais c'est quoi un philtrum? P-H-I-L-T-R-U-M. Non. Non, ben c'est la petite hydratation entre ton nez et tes lèvres. Oui, c'est vrai, le petit ça, là. Le petit ça là, que tu pointes en ce moment à la radio. Là. Donc, en Grèce antique, on disait que c'était la zone la plus érogène de ton corps. Ça, c'est la zone sexuelle, là, genre qui va t'exciter au bout là, quand tu touches le philtrum. Mais là, c'est ça, je le fais. Pour l'instant, ça me fait absolument rien. Si je le faisais, c'est peut-être comme se chatouiller. Hein, tu peux peut-être pas t'éroniser le philtrum tout seul. Là. Ouais, se flatter le philtrum. Nouvelle... Okay. On dirait que c'est un terme de piscine. Vraiment? Oui. Oh, je vais faire mon backwash, puis je vais vider mon filtrum. Bref, les scientifiques ne savent pas à quoi ça sert, mais ça sert. Mais le percer est quand même une bonne idée pour certains. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est hydrogène. Les pieds. T'sais, les pieds humains peuvent suer jusqu'à une pinte. On connaît les pintes de bière. Une pinte de liquide de sueur par jour. Les pieds ont plus de glandes de sueur que n'importe quelle autre partie du corps. Environ 125 000 dans chaque pied. Ça veut dire 250 000 en tout et partout. Sauf pour les pirates. Les pirates? Ben oui, les pirates, ils ont juste une jambe de bois. Ah, c'est vrai. Une jambe de bois, un pied mariton. Je crois chanson de ça, je vois. Le sang, maintenant. Une goutte de sang prend environ entre 20 et 60 secondes pour passer du cœur jusqu'au reste du corps et ensuite revenir au cœur. Entre 20 et 60 secondes, une goutte de sang. Ça va vite. C'est le dernier, ça! Ah, ça finit de même, pas de punch. C'était le dernier. Ah oui. C'est des faits intéressants sur le corps humain via Internet, évidemment. Allez trouver le lien sur assemblagerequis.com. Je ne commencerai pas à citer toutes mes sources, ça va être long. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On parle ici des Égyptiens qui momifiaient aussi leur viande pour nourrir leurs défunts. Ah ben oui, après le passage de la vie à la mort, on a un voyage à faire, ça nous prend de la bouffe. Donc, momifier un défunt dans les règles de l'art édictées par la culture d'Égypte antique est un sacré labeur. Tout d'abord, il faut s'assurer que les organes du trépassé aient été soigneusement retirés. Ensuite, il convient de traiter le corps avec un mélange d'onguents bien particulier avant de procéder à la mise en place des bandelettes. Après quoi, on vient à la mise en tombeau, celui-ci ayant été préalablement rempli de richesses et d'animaux de compagnie momifiés. Au sein de ce lieu luxueux et meublé, le défunt pourra finalement profiter pleinement de sa vie après la mort. Seulement, une question se pose, comment réussira-t-il à se nourrir pour le reste de l'éternité? Eh bien, il existe évidemment une solution à cette problématique quelque peu rudimentaire. À l'époque, les Égyptiens faisaient sécher des fruits et des céréales. Par ailleurs, les sépultures contenaient généralement de la viande momifiée afin que ceux de l'au-delà puissent profiter d'un éternel apport en protéines. Bien important hein, pour les végétariens, là. Bien, même dans l'Égypte ancienne, on momifiait de la viande avec la personne. Donc, c'est pas nouveau. De nombreux morceaux ont été retrouvés dans des tombeaux égyptiens. Le plus vieux remonte à 3300 ans avant J.C. Cette tradition particulièrement étendue a même profité au célèbre pharaon Toutankhamon. En effet, 48 filets de bœuf et de volailles momifiés ont été retrouvés au sein de son lieu de sépulture. Il mangeait pas de la marde, là, lui-là, là. 48 filets de bœuf puis de la belle volaille. Pour traverser les âges, eh bien, ces denrées animales étaient parfois traitées avec de la graisse et de la résine, ainsi que de la cire d'abeille. Ces ingrédients ont été dévoilés pour la première fois par des chercheurs de l'Université de Bristol. Le protocole de cette momification bien spécifique a fait l'objet d'une étude publiée dans la revue Proceeding of National Academy of Science. Donc, pour parvenir à dévoiler les secrets du processus de conservation, les scientifiques ont d'abord analysé avec des techniques de spectrométrie de masse des échantillons de bandelettes prélevées sur 4 morceaux de viande momifiés. Le premier de bœuf, estimé entre 1386 et 1349 avant Jésus-Christ. Un second morceau de viande, celui-là, c'est du veau, daté entre 1064 et 948 avant J.C. Et les deux autres, ce sont de la chèvre et du canard momifié, qui datent de 1200 90 avant Jésus-Christ. Les résultats indiquent la présence de composés dérivés de graisse animale sur les bandelettes externes entourant la viande de veau. Ces composés étaient sûrement contenus autrefois dans un onguent. Des substances similaires ont été révélées sur les bandelettes de la viande de chèvre momifiée. Le canard, quant à lui, ne semble pas avoir été soumis à ce genre de traitement. Quant à la recette de momification la plus raffinée, elle est détenue par la viande de bœuf, qui présente non seulement de la graisse animale, mais également de la cire d'abeille, de la résine de pistachier lentisque, et qui est une substance considérée comme un produit de luxe dans l'Égypte antique. Particulier, bien intéressant, ça donne faim. Moi, je trouve ça donne le goût de manger de la bonne viande. Des statues exceptionnelles ont été découvertes sur le site d'Hermann en Égypte. Le site d'Hermann, situé dans la région de Thèbes, à quelques kilomètres au sud de Louxor, eh bien, est depuis 2004 régulièrement l'objet de fouilles archéologiques. Actuellement, les archéologues de l'Institut français d'archéologie orientale du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak et du laboratoire d'archéologie des sociétés méditerranéennes s'intéressent au temple principal consacré au dieu Mutu-Re. C'est à cet endroit que les scientifiques ont découvert deux statues de dignitaires égyptiens, Nebamon, un scribe et un médecin de Pharaon, et Ramoz, un premier grand prêtre de Mutu-Hermann. Et contemporain de Ramsès II. Ces deux statues mesurent respectivement 93 et 68,5 cm de haut. La première est en calcaire et l'autre en granodiorite. Les blocs de pierre finement sculptés ont été découverts et recouverts de hiéroglyphes et qui constituent des œuvres exceptionnelles et atypiques par leur état de conservation. Leur texte hiéroglyphique et leur iconographie soulignent le CNRS dans un communiqué. Grâce aux inscriptions, les chercheurs ont pu connaître aussi bien les noms que les fonctions des personnages représentés, ce qui en fait des œuvres d'une grande originalité. Nebamon est accompagné par plusieurs membres de sa famille. Il porte sur ses genoux une statue assise du dieu Montu, dieu protecteur des pharaons, représenté à la tête de faucon, coiffé de grandes plumes, d'un disque solaire et de deux cobras protecteurs. Ce scribe était déjà connu en raison de la découverte d'une autre de ses statues à Hermann en 1980, au cours de fouilles menées par le service des antiquités d'Égypte. Quant à Ramoz, il est représenté exposant sur une table d'offrande deux têtes de faucon personnifiant le dieu Montu. Cette représentation double est unique et aucune autre statue de ce type n'a été jamais retrouvée. Et là, on nous dit sur le même site, les archéologues ont également découvert un fragment de paroi en calcaire qui mesure 160 par 130 par 40 cm provenant d'un temple datant du Moyen Empire, donc 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce bloc de pierre représente le dieu de la mort Anubis, un dieu à tête de chacal qu'on voit souvent dans la mythologie égyptienne. Il tient donc le dieu Mentouré par la main. Il date du règne d'Amenahat Ier vers 1990 avant Jésus-Christ, mais les égyptologues en apprendront davantage après avoir étudié en détail les hiéroglyphes. Néanmoins, les trouvailles ne s'arrêtent pas là. 5 têtes de pharaon d'environ 70 cm et sculptées dans la pierre et le grès ont également été découvertes lors des travaux menés par les fondations de la partie avant du temple de Mentouré. Le pharaon porte une double couronne de haute et de basse Égypte qui est particulièrement bien conservée puisqu'on retrouve des pigments bleus encore pour la barbe et rouge pour la chair dans une partie de la coiffe. De retrouver des couleurs comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et d'après les chercheurs, il s'agirait d'une œuvre montant au Moyen Empire, même si des études complémentaires seront nécessaires pour s'en assurer. J'aime bien l'archéologie. Et puis tiens, on va s'en faire une petite dernière, toujours dans l'archéologie, mais là, on va aller beaucoup plus loin. On va aller parler d'un dinosaure qui pourrait ridiculiser le T-Rex quand même. Le fameux T-Rex ne serait pas aussi invincible que cela. Et pourtant, on parle bien de Tyrannosaurus Rex, le roi des reptiles, le tyran, qui a terrorisé les hordes de jeunes spectateurs dans cette saga de Jurassic Park de Steven Spielberg et qui se livre à un combat acharné face aux gorilles ultra-géants dans King Kong de Peter Jackson. L'un des plus grands carnivores terrestres n'ayant jamais existé sur la planète, mesurant plus de 12 mètres de long, 5 à 6 mètres de haut et surtout pourvu d'une énorme mâchoire capable de s'ouvrir sur plus d'un mètre avec une soixantaine de dents parfaitement acérées. 18 cm de longue chacune ses dents. Bref, le prédateur ultime qui aurait pratiquement pu engloutir un homme adulte d'une seule bouchée, déboulant en plus à 25 km/h à peu près. Eh bien, en fait, notre Tyrannosaurus ne ferait pas le poids face à un ancêtre redoutable. Il y a plusieurs mois, des paléontologues américains ont découvert des ossements dans l'Utah datant d'il y a 98 millions d'années. Après analyse, ils réalisent que ce dinosaure régnait sur la Terre juste avant l'arrivée du Tyrannosaurus Rex et décident de le baptiser Siat Merkerorum. Le Siat Merkerorum. Donc, plus long qu'un bus scolaire et pesant au minimum 4 tonnes, ce monstre a vécu pendant plusieurs millions d'années aux côtés de son petit cousin, le T-Rex. Ce n'est que lorsque le Siat Merkerorum a disparu de la surface de la planète, pour une raison encore inconnue, que le Tyrannosaurus Rex a pu devenir le prédateur géant et terrifiant que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'explique Lindsay Zano, l'une des paléontologues à l'origine de la découverte, et cette révélation comble un trou de 25 millions d'années dans l'histoire des dinosaures. L'espèce à laquelle, dans l'histoire des allosaures, espèce à laquelle appartient le Tyrannosaurus Rex et le Siat Merkerorum, mais qui était beaucoup plus gros, hein? Et tant qu'à être dans les dinosaures, je pense que j'ai trouvé la pièce parfaite pour ça. On va aller se taper la pièce du Dr. Grant des appendices. Dr. Grant, c'était le docteur dans le film Jurassic Park. Alors, je vous dis, profitez-en. Montana, envoyé sur une île à l'ouest du Costa Rica, tout semble si accueillant et sans risque. Bienvenue au parc jurassique, t'es tombé juste à pic. Dans le cou, t'es tellement en vogue. T'es le plus cool des paléontologues. Ta blonde fouille dans un gros tas de crottes pour sauver un tricératops. Reproduction à cause de l'ADN d'amphibien. C'est Ian Malcolm qui avait raison. La vie trouve toujours un chemin. La vie a trouvé son chemin. Tyrannosaure si calmement. Tu sais que leur vision est basée sur le mouvement. Tu crois que les dinosaures sont comme des oiseaux, et t'es heureux de voir qu'ils se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Mais c'est-tu pas beau, ça, cette tune-là, des appendices, Dr. Grant? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. La toilette a débordé. Ah! En haut, au deuxième étage. Toilette. Parce qu'on a chacun notre toilette, ma copine et moi. J'ai okay. La toilette d'en bas et la toilette d'en haut. Moi, j'ai un urinoir. Bravo. J'aimerais savoir ça. Pour vrai, les petits gâteaux, là. qui mettent dans le milieu des urinoirs. Oui. Ah, oui, j'avais compris. Oui, c'est OK. Je n'étais pas sûr. Donc, la toilette a débordé, mais c'était juste de l'eau, au moins, mais quand même. Mm. C'est ce qui fait que l'émission a commencé tard. tiens, ça. Donc, j'ai sorti le gros bâton.

probablement déshabillée à son insu. Elle ne se rend pas compte de rien et restera ainsi visible pendant plusieurs minutes. Sitôt qu'elle a été découverte, l'affaire a été évidemment a fait grand bruit. L'utilisateur connu sous le nom de Dark Cobra a immédiatement été banni par le service Twitch TV, contrôle la diffusion des images sur l'application de Playroom sur PlayStation. Une application qui a d'ailleurs été remise en cause suite à cet incident, puisqu'elle pourrait à l'avenir rencontrer d'autres problèmes du même type. Selon Game Revolution, Sony pourrait examiner et modifier les termes de l'application, voire même la supprimer définitivement, afin d'éviter toutes mésaventures susceptibles d'écorner son image. Twitch TV a par ailleurs rappelé sur son compte Twitter que son service était uniquement destiné à la diffusion d'images en rapport avec les jeux vidéo. Ouais, mais qu'est-ce que vous pensez que le monde va faire? Il y en a qui vont créer des petits films, qui vont créer des petites histoires, des jokes, un peu comme avec Vine. Les gens vont partager, écoute, n'importe quelle image, c'est pas juste de eux en jouant, ça peut être en train de faire n'importe quoi. Alors, l'idée était bonne, mais je pense que les humains sont un petit peu trop arriérés. Je dirais, ou retardé. Non, mais quand même, c'est sûr qu'il va y avoir toujours le meilleur dans le pire et le pire dans le meilleur. C'est comme ça. Ici, on parle du régime boule de coton. Donc, une nouvelle méthode qui fait fureur chez les mannequins. Ben oui, hein, pourquoi pas. Après la triste mode des régimes pro-Hana qui poussent les adolescentes à l'anorexie ou encore le tight gap, ce fameux espace entre les, ce fameux espace entre les cuisses, là, le trou entre les cuisses. Voilà aujourd'hui une autre tendance tout aussi dangereuse. Celle-ci consiste pour les jeunes femmes à se nourrir. Mais là, on doit reprendre. Le tight gap, c'est pas la méthode qui est dangereuse. C'est, ce qui est dangereux, c'est pour y arriver. Le tight gap, c'est juste la place, là, l'espace. Hein, on faut pas mélanger les choses. Une tendance tout aussi dangereuse consiste pour les jeunes femmes à se nourrir presque exclusivement de boules de coton. Hein, pour s'éviter de devoir manger. Bonne idée, une bonne ouate, c'est excellent. Donc, se propageant comme une véritable épidémie sur la toile, des vidéos explicatives montrant comment se nourrir de boules de coton pullulent sur YouTube, Twitter ou encore Facebook, regorgeant d'informations permettant aux jeunes filles de s'instruire à propos de cette méthode extrêmement dangereuse pour la santé. Première à en avoir fait état, Brian Murphy, la fille du comédien Eddie Murphy, qui lors d'une interview donnée à l'émission Good Morning America a admis s'être renseignée sur cette méthode. Je la cite, j'ai entendu dire que des gens mangeaient des boules de coton en les trempant dans du jus d'orange. Alors, expliquait la jeune femme. En effet, pour ingurgiter plus facilement ces boules de coton que certaines adolescentes semblent dévorer comme des bonbons, celles-ci les trempent dans un liquide sucré, du jus d'orange, cola ou autre soda. Juste pour vous dire, si vous voulez maigrir, là, du cola ou d'autres sodas, c'est la mauvaise méthode, là. C'est comme manger du sucre avant de pouvoir les avaler. Le but est de caler son estomac et de combattre ainsi la sensation de faim sans avoir à prendre un gramme. Si vous prenez du Coca-Cola, vous allez en prendre des grammes. Il va sans dire que lorsque l'on pratique un tel régime, on s'expose à coup sûr à de graves problèmes de santé, comme l'explique la directrice du site Diet in Review, Brandy Cossey, qui appelle que de nombreuses boules de coton n'ont justement de coton que le nom. Hein? Exactement. Celles-ci contiennent en revanche la plupart du temps plusieurs produits chimiques ou encore des fibres de polyester nocives dans le cas d'une telle pratique. Vos vêtements contiennent aussi du polyester. Avaler ces boules de coton synthétique revient en réalité à tremper votre t-shirt dans du jus d'orange pour le manger. Ouais, c'est ça. Du vrai coton, c'est pas pire, c'est naturel, là, mais c'est ce que je me disais. Des boules de coton, c'est pas du coton, c'est de la ouate. Même son cloche chez le docteur, du côté du docteur Ovidio Bermudez du Eating Recovery Center de Denver. Pour ce dernier, s'adonner à cette pratique dangereuse entraînerait des blocages au niveau de l'appareil digestif, des risques d'étouffement ainsi qu'un risque évident de malnutrition. Allez-vous-en donc, vous bouffez une bonne salade au pire, là, puis plein de gras, puis du fromage, puis du bacon dedans. Ça va être plus cool. Je sais pas. Top 10 des passagers les plus énervants en avion. Non, on donnera pas de nom ni de prénom, mais on va vous donner des types de personnes qui sont vraiment fatigants. Donc, le premier des fatigants en avion, c'est celui qui cogne dans votre siège. Ça pourrait être aussi dans l'avion, ou ça peut être dans le train, ça peut être en autobus, partout. C'est juste que dans l'avion, le problème, c'est qu'on est pogné avec. Hein? Dans l'autobus ou dans le train, on peut attendre la prochaine gare, au prochain arrêt, puis dire « fuck all, je suis plus capable, je m'en vais, je débarque ». En avion, un petit peu plus compliqué. Donc, le plus fatigant, celui qui cogne dans votre siège. Hein, quand on embarque pour un long vol, particulièrement la nuit, on aime bien s'installer confortablement dans son siège et même, pourquoi pas, s'offrir un petit plaisir en inclinant légèrement afin de piquer un petit somme en position semi-allongée. C'est généralement dans ces moments-là que le passager arrière, souvent un enfant un peu trop turbulent, vient cogner brutalement votre siège et une fois, ça passe encore, mais lorsque là se répète pendant toute la durée du vol, le trajet se transforme en véritable calvaire. Sinon, il y a l'insatisfait. Hein? Les hôtesses de l'air sont là pour répondre aux besoins de passagers, oui. Certains ont en revanche tendance à en abuser quelque peu. Besoin d'un encas, d'une couverture, d'éteindre les lumières, de baisser l'air conditionné. La moindre envie devient une requête qui ne peut attendre. Si cela peut vous irriter, mettez-vous plutôt à la place des agents de bord qui, eux, doivent satisfaire chaque demande, le tout avec un sourire et du calme ainsi que de la courtoisie. Hein? Sinon, ce qui peut être dérangeant en avion, c'est le voisin hyperactif. Hein? Souvent un enfant. La personne assise à côté de vous dans un avion est un paramètre crucial pour le bon déroulement du vol. Donc, et la promiscuité avec cet inconnu peut très vite le rendre extrêmement agaçant à vos yeux, surtout lorsque celui-ci a décidé de faire des allers-retours toutes les 5 minutes, que ce soit pour aller aux toilettes ou simplement pour se dégourdir les jambes. Eh bien oui. Et il y a toujours le fameux classique, l'enfant qui pleure. Hein? Qui ne s'est jamais plaint des pleurs incessants d'un enfant que ses parents n'arrivent pas à faire taire? Difficile pourtant de blâmer le bambin, pas encore vraiment conscient de ses actes, et encore moins les parents qui sont sans aucun doute les plus gênés dans ce genre de situation. Il n'empêche que les cris aigus d'un enfant sont un véritable supplice pour les oreilles, encore plus lorsqu'on sait qu'on doit passer plusieurs heures à les subir. Tout à fait. Sinon, d'autres trucs très dérangeants en avion, c'est le passager malade. Certes, le passager malade ne l'est sans doute pas de son plein gré et l'excès d'air conditionné peut affecter les plus sensibles, même quand l'entendre tousser, éternuer, se moucher et respirer bizarrement peut très vite vous faire regretter votre voyage. Sans compter qu'avec votre chance, il se pourrait bien qu'il vous refile tous ces microbes. Encore, ce n'est rien à côté du passager qui a le mal de l'air. Ouais, OK, on peut recevoir des petites gouttes. Le voisin un peu trop sociable, hein? Si avoir une personne avec qui on peut discuter lorsqu'on embarque seul peut être agréable, y a-t-il pire que le voisin qui ne vous lâche pas la grappe pendant toute la durée du vol? Et si malgré les écouteurs dans les oreilles et le bandeau sur les yeux pour bien montrer que vous n'êtes pas enclin à la discussion, celui-ci continue de vous solliciter, eh bien, pas de doute, vous êtes bien tombé sur le passager le plus lourd de l'avion. Sinon, le passager trop bruyant. Mais ça ressemble un peu, vous voyez, trop... Non, ça peut être trop bruyant. Un avion est d'ordinaire un endroit plutôt calme. Moi, je trouve que le son est terrible d'un avion. Il y a un grondement qui est vraiment pas reposant. Ça me fait mal aux yeux. Il y a comme des sub-fréquences dérangeantes où tout le monde sait que si le volume sonore venait à augmenter, cela deviendrait très vite insupportable. Pourtant, il y a toujours un passager qui semble ne pas connaître ses règles élémentaires de civilité. Seul devant son film, c'est lui qui rigole fort aux moindres blagues, qui est le seul à entendre ou bien qui parle à voix très haute à ses voisins, faisant partager tous ses états d'âme. Eh bien oui. Autre personne désagréable à avoir en avion, c'est l'anxieux. Hein? On connaît tous quelqu'un d'incroyablement terrifié à l'idée de prendre l'avion. Peur de l'altitude, peur de tout, hein? vieux traumatisme, claustrophobie, etc. Les raisons sont nombreuses et les remèdes, malheureusement, assez inexistants. La seule chose à faire, c'est attendre qu'il lâche votre bras engourdi et qu'il a fermement empoigné lors du décollage. Oui. L'autre qui est fatigant, oui, celui qui n'a jamais pris l'avion. À l'inverse du passager trop stressé, il y a celui qui est tout excité à l'idée de s'envoler pour la première fois. Un excès d'enthousiasme rafraîchissant, mais qui peut rapidement vous faire déchanter lorsque celui-ci se sent obligé de faire partager sa joie devenant vite plus intrusive que communicative. Un peu comme le passager qui parle un peu trop, hein, et qui veut trop discuter. Et celui qui se plaint sans arrêt, hein? En finale, si vous trouvez aussi que le voyage avec les passagers précédemment cités est un véritable enfer, vous faites sûrement partie de cette dernière catégorie de voyageurs. Celui qui n'est jamais content, qui trouve toujours quelque chose à redire, mais qui le garde pour lui, qui intériorise sa haine en maudissant son voisin, qui fait trop de bruit ou se mouche sans arrêt. Pourtant, on s'est tous un jour ou l'autre trouvé dans la peau du passager irritant, celui que l'on aime tant détester. Ah, ben oui. Et ça donne le goût de voyager, mais ça donne pas le goût de prendre l'avion. Toujours dans les questions de vol, hein, aller prendre l'air, eh bien, je vous parle d'un robot qui vole dans les airs comme une méduse.

Le théâtre de face, le théâtre des gens de la place, on ne pourra pas lui reprocher, en tout cas, de s'être confiné dans une façon de faire. C'est quelqu'un que je connais depuis un bout de temps. Il est rassembleur. Il préside depuis 2007 le conseil d'administration du Théâtre des gens de la place, qui a déjà plus de 20 ans d'existence. Luc Martel, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Danny. Merci beaucoup de me recevoir à votre émission. Bien, ça nous fait plaisir. Ma première question est assez simple, mais importante dans ce milieu souvent précaire et non rémunéré de Trois-Rivières. Après plus de 25 ans dans le milieu théâtral trifluvien, quelles sont les principales raisons qui te motivent encore à partir de chez vous pour aller faire du théâtre? L'égoïsme. je pense que la plupart des gens qui œuvrent dans le milieu culturel, peu importe le médium, on le fait pour nous en premier. On sait toujours qu'il y a des gens qui vont venir voir, qui vont accrocher, qui vont aimer ce qu'on fait, qui vont aimer notre prestation, que ce soit en musique, en théâtre, en peinture. Mais on le fait pour nous en premier, on se contera pas d'histoire. Mm-hmm. Il y a une forme d'égoïsme là-dedans, puis c'est correct, on le partage avec les autres, puis on donne, puis on s'investit là-dedans, et ça nous rend très, très heureux. Mais je me compte pas d'histoire là-dedans. Là. Parce que c'est pas facile de partir à moins 30. Faut que tu sois égoïste, moi, je suis originaire de la Tuque, hein, alors au mois de mai, on nageait, on tassait la glace de la rivière. Pour aller se baigner. D'ailleurs, comme je disais en entrée, tu as fait plus que 30 productions. D'après toi, quelles sont les pièces dans lesquelles tu as joué ou qui t'ont le plus bouleversé, qui t'ont le plus marqué? À part celle que tu as jouée avec moi, évidemment. Oh oui, Michel. D'ailleurs, je commencerai une dans laquelle j'ai joué et avec toi et avec d'autres collègues. Une pièce entièrement masculine, 12 hommes en colère. Mm-hmm. Qui est repassé d'ailleurs dernièrement. Oui, que notre ami Feu Marcel Réaume avait mis en scène. Et puis ça a été un projet de groupe hyper intéressant, créatif, très, très beau produit. Les gens qui sont venus voir ça en parlent encore aujourd'hui. Et pour moi, ça avait été un moment clé parce que c'est la première fois que mon père descendait de la Tuque pour venir me voir jouer. Ça a été hyper agréable de savoir qu'il était là, que ma famille était là. Et ça arrivait, c'est un peu fréquent. Là. Donc ça, c'est un moment marquant, je dirais. Il y en a eu d'autres, là, mais par la suite, je dirais, moi, j'étais absent quelques années du TGP. Je suis revenu en 2004 lorsqu'Evelyne Charland, qui était directeur artistique à l'époque, qui était seulement cette année, et aussi metteur en scène, lorsqu'Evelyne m'a demandé de jouer le cardinal Richelieu dans Les Trois Mousquetaires. Encore une pièce avec moi? Ah oui, une pièce avec toi encore. Et ça a été vraiment un très, très beau personnage. J'avais un duo, Martin Sivigny, qui jouait le roi. Oui. On avait un plaisir fou quand on arrivait sur la scène. Moi, qui étais le personnage austère, et lui, qui était complètement éclaté. Donc, il y avait comme la contrepartie, les contradictions, puis tout ça qu'on amenait sur la scène. Ah, ça a été très, très agréable à jouer. Là. D'ailleurs, j'ai eu quelques blancs de mémoire dans cette pièce-là. Et avec Martin, il y en a eu quelques-uns des mémoires. Ben, c'est le risque, hein? C'est un sport extrême, le théâtre. Absolument. Puis j'étais en fin de carrière. ma mémoire était moins bonne. mais autre beau moment, ça a été un très, très beau cadeau de Patrick Lacombe lorsqu'il m'a offert Salieri d'Amadeus. Pièce que tu avais déjà jouée, d'ailleurs. J'avais joué en 91. Éric Boulay. Oui, avec Éric Boulay en 91, où je jouais le rôle d'empereur, l'empereur Joseph II. Mais là, je suis revenu en jouant le rôle principal avec Amadeus, évidemment. Et puis, Salieri, qui était un rôle monumental et fantastique. J'ai eu un plaisir fou à jouer ça. Ça me bouleversait tous les soirs. C'était vraiment très, très prenant. D'ailleurs, une pièce que j'avais vue, puis t'avais pris le gros morceau puis tu l'avais serré à bout de bras. Ah ouais, ça a été un cadeau. Mais quand quelqu'un comme Patrick ou encore Evelyne, je parlais d'Evelyne tout à l'heure, qui sont des gens reconnus dans la région pour leur implication théâtrale, des très bons metteurs en scène, quand ces gens-là te disent, écoute, je te vois dans ce rôle-là puis je monte pas la pièce si tu joues pas, ben tu fais, OK, le morceau est gros, mais on embarque, puis on y va, puis on aime ça le présenter par la suite. Là, je pense pas que je vais dévoiler un scoop, mais je crois que c'est ton dernier mandat à la présidence du TGP. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, après, ça fera, lorsque mon mandat se terminera, ça fera 8 ans. Alors, je pense qu'il faut un jour laisser la place aux plus jeunes et à la relève. Et ça fait partie des objectifs du TGP. C'est inscrit en toutes lettres, assurer qu'on va développer de la relève au niveau théâtral, mais dans tous les aspects du théâtre aussi, au niveau des décors, des costumes, de la mise en scène. D'ailleurs, au TGP, quel serait ton leg que tu trouves le plus intéressant et le plus marquant pendant ces années-là? Ben, en fait, et ça, je le partage avec tous mes collègues qui sont passés au CA depuis les dernières années, on l'a fait ensemble, mais on s'est donné une orientation de développer des partenariats, ce qui fait que cette année, on a des partenariats avec PMA Assurance, Services financiers, avec le séminaire Saint-Joseph, avec MAC 2000, l'année passée avec Radio-Canada. Donc, tout ça, c'est dans un cheminement, dans une poursuite et aussi dans une volonté de s'ouvrir encore plus à la communauté. Faut comprendre que le théâtre, je dirais pas que c'est un art marginal, mais c'est pas là où on a le plus haut taux de fréquentation des spectacles. Récemment, j'étais avec des étudiants en communication ici à l'université. Ces gens-là vont faire un travail ils vont bâtir un plan de marketing sur le TGP. Donc, on aura les résultats en décembre. Et je posais la question, combien d'entre eux avaient été au théâtre au cours des deux dernières années? Sur deux groupes, donc à peu près 60 personnes, je pense qu'il y en avait 3 ou 4 qui étaient allés au théâtre, mais la totalité ou la quasi-totalité est allée voir un show d'humour. Donc, c'est l'humour au Québec actuellement qui prend le marché. Mm-hmm. Alors qu'il y a beaucoup à découvrir dans le théâtre. On a accès on se fait conter des histoires. Ça peut être très prenant, très touchant. Donc, mais il faut se rapprocher, il faut aller voir, puis il faut trouver des moyens de rejoindre cette clientèle. Puis comment t'imagines dans tes rêves les plus fous l'avenir du théâtre des gens de la place une fois que tu seras parti? Ah ben, d'un, c'est la relève qui va prendre tout ça. Il y aura des plus jeunes qui vont s'impliquer là-dedans. Mais y a-t-il des projets que tu as imaginé, que tu n'as pas eu le temps pour moi, de... personnellement. Non, mais pas pour toi, mais pour la troupe. Y a-tu la voix d'une façon qu'elle devrait progresser de tel sens ou dans tel sens? Déjà, il y a 2 ans, on a modifié certains aspects des règlements généraux parce que, à venir jusqu'à maintenant, tous les spectacles étaient faits de façon bénévole, mais on a convenu dorénavant que si on avait des propositions pour faire des spectacles qui pourraient être payants, on embarquerait là-dedans. Donc ça, c'est une nouveauté. Puis d'ailleurs, on le fait depuis plusieurs années avec la Locandiera, avec l'événement du Plessis qui avait été fait en 99, avec le Dindon de Fedot, avec Stéphane, appelez-moi Stéphane. Donc tout ça, ça a été des pièces qui ont été payantes de TGP parce qu'ils sont des producteurs qui ont acheté et puis on a pu les présenter durant l'été. Donc ça peut réinventer un peu la façon dont on va tirer notre compte financièrement. Oui. C'est une des clés, puis il faut être très attentif à ça. Il faut comprendre que une pièce de théâtre comme Biloxi qui s'en vient, qu'on présente à compter de la semaine prochaine, Biloxi Blues de Neil Simon, et je sais que tu vas revenir là-dessus. C'était ma prochaine question. ça nous coûte environ 10 et 11 000 $ nous produire un show. C'est assez important comme montant, donc il faut arriver dans nos frais. Quand même, on a une subvention qui est versée par la Ville de Trois-Rivières. On est reconnu comme un partenaire culturel de la Ville de Trois-Rivières. Donc, la Corporation de développement culturel nous verse une subvention annuellement. Et on en est très, très heureux. Sans ça, ce serait difficile d'arriver. Mais il faut aller chercher des revenus supplémentaires, évidemment, par la vente de billets. Là. Donc, parlons théâtre. Parlons théâtre. Le TGP présente Biloxi Blues, comme tu viens de le dire, de Neil Simon. Parle-nous un petit peu de la pièce, du contexte, juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Là. En fait, Neil Simon a écrit cette pièce-là en 1988. Elle est traduite par Benoît Girard. Oui, excellent traducteur. Je ne sais pas si, Danny, tu connais Benoît Girard. C'est un acteur un peu plus âgé. D'ailleurs, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est toujours vivant? Bonne question. Danny Google. Benoît Girard, c'était un comédien québécois qui avait la grande qualité de faire des traductions magistrales. Oui, très. Et il a très bien réussi avec Biloxi Blues. Le contexte, on est en 1943, et le personnage principal, Eugène Maurice Jérôme, lui, comme d'autres jeunes, ils sont 5 jeunes qui sont recrutés pour aller faire leur entraînement de base à Biloxi, Mississippi. Et ils débarquent là tous les 5 et vient se greffer à eux un 6e jeune militaire qui est là depuis quelques temps, il est arrivé avant eux. Et ces jeunes-là vont découvrir la vie d'une certaine façon. Alors, Eugène, lui, ce qu'il souhaite, c'est perdre sa virginité durant son entraînement, devenir écrivain, puis revenir vivant de la guerre. Alors, dès leur arrivée, ils sont confrontés à un être que j'irais machiavélique ou pratiquement très autoritaire, qui a un comportement dictatorial, qui s'appelle le sergent Merwin G. Qui est ton rôle? Merwin G. Tommy. As-tu pris une voix différente? Disons que je pousse la note un peu parce qu'il est autoritaire. Envoie-nous donc une note. Parce que là, je vais défoncer le tympan des auditeurs. OK. On arrive dans un univers... D'un, c'est fort intéressant. On est dans du théâtre réaliste américain. Donc, c'est une histoire qui suit très, très bien. Et on a ces jeunes-là qui sont confrontés à la vie, à cette forme d'oppression, de discipline qui est très, très sévère, imposé mm-hmm. par le sergent Tommy. Alors là, c'est cette histoire-là. Puis les jeunes, ben, il y a toute ce qu'on appelle la drill, l'entraînement. Et puis, ils ont des permissions. Ils découvrent la vraie vie en se présentant dans un bordel. Il y a toutes sortes de trucs qui arrivent. Donc, c'est hyper intéressant comme pièce. Puis, je dirais, pas la communion, mais l'union, la solidarité qui se développe à travers ces jeunes-là. Donc, c'est une belle brochette. C'est des jeunes comédiens, pour plusieurs qu'on n'a jamais vus sur la scène et qui ont 18 et 22, 23 ans ou 24 ans, les mais plus vieux. Je voyais que tu avais joué en 2008 Young Cures de Neil Diamond. Neil Diamond. Mais en passant, il est vivant, Pierre. Ah, right. Benoît, j'espère qu'il va en faire d'autres. Puis qui avait été également mis en scène par Martin Francœur. C'est la deuxième mise en scène de Martin Francœur. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux pièces-là? Est-ce qu'il y a, il y a des personnages qui sont communs aux deux pièces? Non. Non, okay. Mais en fait, Biloxi s'inscrit dans une trilogie, puis j'ai mes notes avec moi, là, je veux rien manquer. Là. En fait, il y a une trilogie. La première partie, c'est Souvenirs de Brighton Beach. Ah, parce que Eugène... Il avait déjà été monté. Pas par le TGP, en tout cas, de mémoire. Mais donc, c'est Pieds nus dans le parc a été monté par le TGP. Donc ça, la première partie, c'est l'enfance d'Eugène Eugène Jérôme, plutôt. À Brighton Beach. Et Biloxi Blues, c'est la seconde partie. Et la dernière partie, c'est Broadway's Bound. Parce qu'on comprend que Eugène veut devenir écrivain. Et puis il va être monté en quelle année? Ben, on verra avec Martin. Parce que Martin, je pense, vénère beaucoup Neil Simon. C'est un très bel écrivain, un très bon écrivain. Et Neil Diamond, est-ce qu'on sait? Neil Diamond. Ben, peut-être qu'il l'aime aussi. peut-être que Neil Diamond fera la musique, je sais pas. Fait des vraies bonnes pièces, genre. Mais c'est pas nécessaire d'avoir vu la première partie pour voir Biloxi Blues. Hein. C'est pas du tout. Biloxi s'inscrit comme étant une entité en elle-même, là. Il y a pas de problème. Comment vont les pratiques? Ça va très, très bien. C'est agréable. Puis déjà, on a du matériel militaire, les vêtements. On a une partie des costumes. Les autres, on les aura ce week-end. Mais juste est-ce de que ce sera un décor assez élaboré? Oui, je dirais oui, parce qu'on n'est pas dans la simplicité. On a vraiment fait les baraques avec les lits des militaires, la chambre de Roana, qui est la prostituée. On aura accès à ça. Pour pénétrer dans la chambre. Oui, d'accord. Oui, dans les pratiques, des fois, ça peut être pratique. Pénétrer dans les pratiques, c'est toujours intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je le dis toujours, quand on a les bottes du personnage, là, on vient chausser les bottes, c'est le cas, on a les bottes militaires depuis 3 semaines environ, puis dès qu'on on vient tellement grounder avec ça, quand on saute dans la peau d'un personnage, qu'on met ses bottes, on arrive sur la scène, la salle de répétition, puis on sent déjà qu'on est on est imprégné du personnage, et ça, on travaille avec ça depuis quelques semaines. Je suis pas très familier avec les comédiens qui y jouent, surprenamment. Je te vois regarder des noms, mais... est-ce qu'il y a de belles trouvailles? Y a-tu puis là, fais pas, si tu connais, là, fais pas le politicien, là, je veux des noms. en fait, ils sont tous très bons. J'attendais. Ils sont vraiment tous très bons parce qu'il y a une très très bonne direction d'acteur de Martin Francœur, qui est le metteur en scène, assisté de Karen Jenis, qui est son assistante. Et Karen, est-ce qu'elle n'est pas aux communications aussi? Non, Karen, elle est secrétaire du conseil d'administration du TGV. Oui, continue, excuse-moi. Mais on retrouve Étienne Bergeron, qu'on a vu dans la leçon d'histoire, Étienne. On l'a vu quelques fois au TGP, qui joue le rôle principal d'Eugène Maurice Jérôme. On a Steve Bedard. Est-ce qu'il chausse les souliers du rôle principal comme faut? Ah, tout à fait. Bon. Il est là, il est costaud sur scène, il fait sa job, il la fait très, très bien. On a une belle découverte, Steve Bedard, que je connaissais pas, qui joue Selridge, qui je lui disais l'autre jour, toi, probablement que ton personnage est né dans le fond du Connecticut quelque part, puis son père devait être un éleveur de poulets dans une ferme. Il est vraiment très, très bon. Louis-Étienne Villeneuve qui joue Vikovski. Anthony Leclerc, qu'on a vu souvent au TGP, qui chante très bien d'ailleurs, il est aussi membre de 42e Avenue. Ou 42e rue, je me trompe peut-être. Là. Ouais, c'est ça. Qui joue Carnet, Brian Thibodeau. Brian, qui avait 12 ans lorsqu'il a joué dans Young Girls, qui avait été impeccable. Alors, on le retrouve maintenant en soldat, qui joue le rôle d'Epstein. Renaud Fafard, qui a jamais joué au TGP, qui joue NSI. Et on a deux filles avec nous. Mylène Renaud, qu'on connaît, qui a joué dans Albertine, qui a joué plusieurs fois au TGP. Et une nouvelle arrivée à Trois-Rivières, Samantha Bérubé. Samantha, elle est étudiante à l'UQTR ici, à la maîtrise. Et Samantha étudiant en théâtre à Québec. Bon. Elle a joué, elle a fait de la mise en scène,

Moi, c'est une des microbrasseries que j'aime beaucoup, l'île d'Orléans. On a la Forge. Je pense même pas loin de chez nous, parce que Michel habite, il habitait dans le coin de Pointe-du-Lac. Mais on a Dugré. Oui. Ben, et la petite épicerie, pas une petite épicerie, mais un petit marché l'été, là. Absolument. Ben, ils ont les produits de la microbrasserie de l'île d'Orléans. Ah, de l'île d'Orléans, oui. Oui, de l'île d'Orléans, exactement. Donc, aujourd'hui, on boit la Barrick Pale Ale néo-zélandaise. Pour moi, c'est un ovni. Je découvre ça. C'est carrément quelque chose que je ne connaissais pas, la Pale Ale néo-zélandaise. Toi, tu connais ça? Du tout. Y a-t-il une différence entre la Pale Ale qui vient d'ailleurs? Ben, d'habitude, c'est IPA, là, India Pale Ale. Mais là, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la bouteille? On nous dit une Pale Ale houblonnée au Pacific Jade, qui est un houblon, pour son amertume tranchante et avec la Galaxie aussi, qui est un houblon. Celle-là pour ses arômes aux saveurs de fruits tropicaux. Oh, on va-tu détecter les fruits tropicaux? Ben, en tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, elle est excellente. Mais là, on y a pas goûté. Je pense que c'est le moment. On va l'ouvrir. Après, on va donner un peu plus d'informations et nos avis sur le sujet. Je baisse la trame. Je vais ouvrir ça. C'est comme le petit cérémonial le demande. On va souhaiter. Oh! Ça sent déjà les fruits tropicaux, pour vrai. Oh, ouais, vraiment, c'est au nez. Je peux pas dire au goût, mais au nez, ça sent des... Oh, le verre est pas trop propre. Je vais me le garder. Tiens, je suis un gars de même. Je vais te donner le plus beau ici. C'est un format 500 ml, une bière qui figure autour de 16,5% d'alcool par volume. L'odeur est extraordinaire. Ça sent le jus de fruits. Ah oui, ça sent le jus de fruits. Pour vrai, là, c'est hallucinant. Un très, très bon col. Mousse. Ben là, il faut dire que je la verse de façon... mettons, ça comme sent la mangue, on dirait. Le litchi. Oui, aussi. Le litchi, vraiment, moi, je sens le litchi à plein nez là-dedans. Puis j'adore. Je sais pas si t'aimes les liqueurs de litchi. Ouais, à plein nez, c'est le cas de le dire. La mousse est très, très heureuse de me voir. Elle m'a pas débordé dessus, mais elle me montre son bonheur. Elle est tenace. Elle est assez tenace, oui, et elle est présente. On peut pas la manquer, cette mousse. Est-ce que t'en as assez dans ton verre, Michel? Oui, ça va. Donc, on va remettre la petite trame. Bon, sur ce, je vais essayer de... Je ne me tente pas de sentir. Moi non plus. On a vraiment les odeurs d'une pale ale qui viennent, mais d'habitude, la pale ale, ça arrête à ce que ça sent. Là, c'est vraiment une gamme de fruits qui embarque. Moi, les gars de la barrique, c'est sûr, ils prêchent pour leur paroisse, là. Mais déjà, eux autres, ils ont toujours aimé les produits de l'île d'Orléans. C'est pas pour rien qu'ils la font tourner là-bas, qu'ils la font brasser là-bas. Mais ils disaient que même eux, ils disaient que c'était la meilleure que l'île d'Orléans avait fait. Fait que, bon, ben là, on s'envoie ça. On est mieux d'avoir des critiques positives. Hein? On s'envoie ça, tiens, à votre santé. À ta santé. Ben, c'est parfait. Vraiment très, très bonne. On a vraiment le côté India Pale Ale. Une amertume qui est là, qui tranche. Qui est, absolument. Pas discrète, mais pantoute. Mais facile. C'est comme sec, comme on dirait. Oui, c'est carrément sec. C'est tout à fait ça. Je t'envoie le petit texte qui accompagne cette bière. Donc, et voici, tel que promis, notre toute dernière arrivée pour notre 8e anniversaire. Je parle comme si j'étais membre de la barrique, mais presque avec tout ce temps-là. Donc, on a décidé de vous en faire une collaboration avec la microbrasserie de l'île d'Orléans, une Pale Ale néo-zélandaise, donc faite en grande proportion à partir de houblon Pacific Jade de la Nouvelle-Zélande. La Barrick Pale Ale néo-zélandaise est une bière de couleur blonde sans aucun malt caramélisé. On n'a pas vraiment pas... souvent dans nos bières, les dernières, les stouts, les brunes, tout ça, on sent le grain qui est torréfié, lui, du tout. Houblonné au Pacifique Jade pour son amertume tranchante, comme tu disais tantôt, c'est sec, c'est tranchant, et au Galaxy pour ses arômes de fruits tropicaux. La Pacific Jade vous laisse une sensation de sécheresse en bouche qui vous invite rapidement à la prochaine gorgée. Oui, bien, j'en bois depuis tantôt. C'est drôle d'en prendre depuis tantôt. Exactement ce qu'on nous dit. Hein? Donc, c'est une bière qui nous porte à boire. Hein? c'est hallucinant que tu aies dit ça, puis on nous le lit exactement en même temps. Donc, on nous dit la prochaine gorgée. Donc, la Galaxy en provenance de l'Australie, elle explose en arômes et en être allé deux fois en houblonnage à froid pendant la fermentation. Avec ses 6,5% d'alcool, vous serez charmé par sa légèreté. Wow. ça veut dire que si on en prend gorgé et 6,5, là, ça finit par s'additionner. Ça. Oui, mais pas au goût, ça se boit tout seul. Hein? Comme une petite pale ale à 4-5% normale. Là, on nous dit à la barrique, on en a une montagne, mais elle sera vite escaladée puisque cette bière répond exactement à la demande croissante pour ce genre de bière houblonnée en ce moment. Les pale ales sont, depuis un an, c'est ça ce que tout le monde veut boire. Hein? Beaucoup de bière amère. Mais moi, je suis pas capable d'en boire plusieurs de okay. ça. Je deviens dosé avec la pale ale, mais ça, c'est très personnel. Oui, ben tout à fait, mais celle-là, moi, je trouve qu'elle est plus charmante qu'une pale ale normale, pour moi. Donc, il dit, nous sommes très heureux, la barrique, de vous présenter un produit sur lequel nous avons travaillé personnellement. Cette bière a été brassée par la barrique, par Mathieu, de la microbrasserie de l'île d'Orléans. Et au plaisir et merci de tout cœur d'avoir fait de nous le leader de la vente de bière de microbrasserie en Mauricie, nous dit la barrique. Et puis, ils sont fiers commanditaires de l'émission depuis presque le début de l'émission. C'est ce qui est bien intéressant, cette collaboration. Alors, on s'envoie une autre petite gorgée, qui est facile à boire. C'est chaud, en tout cas. Mais à l'intérieur, là, je sens la chaleur. Ça descend la chaleur de l'alcool. Ouais. Mais ça, c'est bien avec la température qu'il fait dehors. Absolument. Ça arrive. Un petit peu de tropical en même temps. C'est génial, tout à fait. Et puis, la mousse, pardon, elle s'est estompée un peu, mais toujours bien persistante quand même. Un petit refill, Michel? Prends le reste du fond, là, on va être pas mal égal avec ça. Les bulles, c'est pas des micro-bulles, mais une belle finesse. L'effervescente est moyenne, mais vraiment pas une bière flat, parce qu'on en a eu. Là, que ah oui, il n'y a pas de mousse. Après deux gorgées, pas de mousse, puis aucune bulle qui monte. Ouais. Elle a une belle effervescence, une bière très, très équilibrée. Couleur assez dorée. Oui, dorée, voilée. Ouais. Une bière qui est pas non filtrée, finalement, pour plus de saveur. Moi, je pense que si vous aimez la Pale Ale, celle-là, va vous charmer encore un peu plus, une coche de plus. Moi, j'aime les Pale Ale. Tu sais, comme toi, tu dis pas trop. Moi non plus, je ne me prendrais pas un six-pack de Pale Ale. Déjà. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas une bière à peu près que je trippe de boire beaucoup de bière. J'aime mieux changer. Ouais, oui. J'aime mieux dans ma soirée avoir 3-4 types de bières que prendre un six-pack de la même chose. T'sais. Mais pour des snow parties, c'est parfait. Des snow parties, c'est parfait. Beach parties, c'est moins bon, mais ça, snow parties, là, c'est chaud. C'est chaud. Donc, on en a une quantité incroyable. Et je profite aussi de l'occasion, si vous voulez gagner, et puis je te le dis, Michel, toi aussi, si ça te tente, pogne-toi un journal Zone Campus. Première page, il y a un coupon de participation pour gagner la chance, pour avoir la chance de gagner un paquet cadeau de 50$ de la barrique. Il y a des bières de microbrasserie, il y a un décapsuleur, des petites grignotines, il y a même un beau verre de collection pour gratuit parce que vous avez juste à le porter à la barrique ou sinon dans les bureaux de C'est Fou, vous pouvez déposer, il va y avoir une boîte prévue à cet effet. Et c'est facile, il y a juste un indice à inscrire. L'indice, c'est Blanche-Neige. Viens de le dire, je l'étudie. C'est quoi l'indice? Je ne l'ai pas entendu. C'est quoi l'indice? Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige! Eh bien oui, puis c'est moi qui ai choisi même le mot de l'indice. C'est une bière de chez Dieu du ciel, la Blanche-Neige, qui est une bière tout à fait désignée pour le temps des fêtes. Alors, si vous voulez aussi, là, en ce moment, il y a plein de nouveaux trucs qui est arrivé à la barrique. Je veux vous le dire tout de suite. Et si tu as des petits commentaires par rapport à la bière, gêne-toi pas, Michel, tu peux me couper. Mais franchement, c'est un beau produit. Il n'y a aucun doute pour les amateurs de pale ale, ça va être excellent. Ils vont triper. Parce que l'arôme tropical, c'est fou. Pour vrai, moi, c'est ce qui m'a, comme j'allais te dire, puis j'ai pas fini ce que je disais, je me suis coupé moi-même. Les pale ale, j'aime ça, mais je vais pas le faire fou là-dessus. Moi, je vais plus être attiré par cette bière-là, justement, parce qu'elle n'est pas juste amère. Il y a certaines pale ale, on dirait que c'est juste de te faire revirer les lèvres de bord. Là. Ouais. Celle-là, comme tu dis, il y a des saveurs très complexes. Ouais. Donc, un petit tour, on va s'envoyer. Et pour ceux qui peut-être disaient, la barrique, y a-tu du nouveau stock qui vient d'arriver? Oui, microbrasserie d'Archibald, qui vient d'envoyer la Valkyrie. C'est une lagère de style bavarois. La Valkyrie se démarque avec sa robe cuivrée et des arômes prononcés de caramel et de houblon épicé. Elle est brassée selon la pureté allemande. Ça nous vient de chez Archibald à Québec, au lac Beauport. Une belle petite microbrasserie. Beau restaurant surtout, une belle place pour aller manger. J'étais allé là. Ça serait curieux de savoir le nombre de microbrasseries qu'il y a maintenant au Québec. Là. C'est hallucinant. Non, je ne sais plus. C'est ça. Puis il y en a qui ferment, d'autres qui rouvrent, d'autres qui s'associent. Le marché de la bière au Québec est très, très vivant. J'en voyais une, justement, dans le coin de Kamouraska qui venait d'ouvrir. Là. C'est une belle petite place. Puis là, le Tiltory Factor qui vient d'ouvrir, qui va être une microbrasserie aussi. Oui, exactement. Puis ça permet, ce que j'allais dire, dans les villages, ça permet de retrouver des nouveaux lieux de rencontre qui sont alentour de la bière. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Puis tu viens de le dire, ça permet aussi, dans les villages, des fois, c'est le seul restaurant ou le seul, à part la patate du coin, là, qui a du sens. Et en plus, on peut souvent retrouver dans ces microbrasseries-là des produits du terroir, des gens aux alentours, les fermes. Je sais pas, on est un producteur de sangliers. T'as... C'est un peu les nouveaux magasins généraux qui avaient dans le temps, c'est rendu des microbrasseries. Puis ce phénomène-là, je crois, va permettre à bien des villages de continuer à survivre et d'avoir une vie. Parce que ces microbrasseries-là, ils attendent pas juste après ton argent pour vivre juste pour le restaurant. Non, aussi, non. Pour ça, ils peuvent vendre leur bière ailleurs et comme ça, survivre et pas... Oui, c'est ça. Ils attendent pas juste les habitants du village. Là. Exactement. Quand tu faisais un restaurant, s'il n'y allait pas... Tu peux pas. Tu peux pas. T'as pas un rein assez solide pour toffer ça. Exactement. C'est une belle vision puis c'est vrai. Puis, tu sais, certains villages se battent pour une station-service. Tu sais, pour une caisse. Imaginez, fait que si t'as une microbrasserie qui est vivante, ça amène un tourisme, ça amène aussi, ça met ton nom sur la map pour les municipalités. Ça pourrait, on a les routes des vins, on pourrait peut-être faire la route des bières. Des microbrasseries. Ça serait génial. Ça pourrait être bien. Non, oui, ben, moi, l'été passé, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la route des vins de l'île d'Orléans. Mm-hmm. Il y a la route des cidres aussi. Et puis nous, on est partis après l'île d'Orléans faire les microbrasseries bières. Et puis c'est tellement le fun. Tu sais, en plus, c'est ludique. Comme tu dis, t'as la bouffe, t'as les petits produits, tu peux avoir vraiment tout dans la même place. Un peu comme tu dis, le magasin général, nouveau magasin général. Absolument. Vraiment, une très, très bonne, très belle observation, Michel. Donc, ce qu'on buvait, c'était la Barrique, une excellente bière. Moi, j'ai rien à redire. Si vous aimez le style Pale Ale, c'est clair que vous ne serez pas déçus. Attendez pour vous pas une Pale Ale classique. Mais une Pale Ale, moi, je te dirais extra plus. Avec, plus légère, je trouve. Plus légère. Ça se prend mieux qu'une Pale Ale où moi, ça me donne mal à la tête des fois. Oui, je comprends. Non, mais c'est ça. Il y en a que on dirait que le but, c'est juste de faire la plus amère possible, ce qui n'est pas nécessairement la bonne idée, moi, je trouve. Ouais. Parlant de ça, justement, il y a la gang ici. C'est l'Interdite. C'est une série, c'est un 4-pack avec 4 IPA dedans. Et puis là c'est, ils se sont fait plaisir, justement. Ils ont l'Interdite 60 minutes, l'Interdite 90 minutes, la 120 minutes et la 150 minutes. C'est que après, à la fin du brassage, à toutes les minutes, pendant 60 minutes, on rajoutait du houblon pour qu'il soit plus fort, plus amer. Donc, je te conseille pas d'aller vers ça, mais si vous aimez l'Interdite, c'est un nouveau 4-pack qui est bien intéressant. C'est les brasseurs du monde qui font ça. Et puis, si vous voulez, ça, c'est très particulier, puis c'est pour ça qu'on l'a pas eu à goûter, là. Mais il y a une nouvelle bière qui vient de sortir, c'est la série alphabétique. On est rendu à H. On en avait déjà parlé, je pense qu'on avait reçu une de la gang. Eh bien là, on a fait 8 différentes H. Elle s'appelle la H, là. Et puis quand t'arrives au magasin, les étiquettes sont toutes pareilles, sauf que derrière, il y a des houblons qui ont été utilisés, puis il y a un petit point au stylo là, ou au crayon feutre qui a été fait. Donc, chaque bière a un houblon différent, mais la méthode est la même. Et puis, ça a été brassé séparément dans des tonneaux d'un château réputé en Haut-Médoc, donc en France. Donc, des barils de vin rouge qu'on a fait vieillir la bière dedans. Alors, ça donne un goût assez particulier. Mais ce qui est bizarre, c'est que, mettons, on aurait parlé d'une des haches. Il y en a 8 différentes. Donc, c'est vraiment pour les amateurs. Et puis, la petite bouteille est assez chère, disons, là, pour une petite 375 millilitres. Mais si ça vous tente de découvrir, là, pour les maniaques, allez voir ça. C'est très, très intéressant. C'est la série alphabétique, là, la hache, si ça vous tente de découvrir. Sur ça, il est 11h55.

C'est donc des métaphores, ouais. You know. You know. Hey, métaphore, bétaphore, tu sais. Ah ouais. Super. Bon, on va se construire un fort. Au prochain etc. lien, super intelligent. Alors, deux semaines pour une autre, l'appelons dans la tête. Lily Bouguenet-Saint-Pierre. Ouais, merci. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Placé au-dessus d'un ravin, c'est des toilettes qui sont les plus dangereuses du monde. Et ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est que ça m'a rappelé moi-même des souvenirs de voyage et de toilettes. Donc, je vous en parle tantôt. Je vous envoie l'article d'abord. Appartenant à la station météorologique de Kara-Turek, dans la région montagneuse de Altaï, en Sibérie, donc ces toilettes demandent à ses utilisateurs d'avoir le cœur bien accroché. Si vous voyez la photo, vous comprendriez ce que je veux dire. Désigné récemment comme les toilettes les plus extrêmes du monde, ce petit coin n'a rien d'un paradis, lui qui domine en réalité un gigantesque et vertigineux ravin. Donc, situé à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, ces toilettes servent aux membres du personnel qui travaillent chaque jour à la station météo et ne peuvent redescendre comme s'ils le souhaitaient de leur perchoir. Visitées une fois par mois par le facteur et par un hélicoptère qui vient leur livrer de la nourriture, les gens qui travaillent là doivent faire preuve d'un moral d'acier pour supporter des conditions si extrêmes. Mais par-dessus tout, c'est le cœur qu'il faut avoir bien accroché lorsque le moment se fait sentir d'aller au petit coin, car à ce moment-là, pas d'autre choix pour le personnel de la station que de se rendre dans cette curieuse bicoque. C'est littéralement une backhouse, une bécosse comme on avait à l'époque. Elle a été construite en 1939 afin de satisfaire leurs besoins naturels et c'est encore la même toilette qui fonctionne. Mais alors, pourquoi ces toilettes se trouvent-elles perchées ainsi au-dessus du vide? Eh bien, c'est simplement parce que dans l'impossibilité de construire un système d'évacuation approprié, c'est sur le dessus d'une montagne, eh bien, les ingénieux initiateurs de ces toilettes insolites ont résolu, au siècle dernier, le problème en permettant aux déchets d'être évacués tout en tombant directement dans le ravin. Une trouvaille intelligente, mais qui exige avant tout de ne pas craindre le vertige. Donc, entre faire son affaire au-dessus d'un effrayant ravin ou bien le faire à la vue de tout le monde, difficile de dire à quelle situation est la plus inconfortable ou la plus confortable. En effet, dans le café Diglas en Autriche, eh bien, la boss et les clients de cet établissement sont invités à se rendre dans les toilettes dotées de portes transparentes. Heureusement pour eux, eh bien, celles-ci deviennent totalement opaques au moment où l'utilisateur verrouille la porte, un gadget intelligent qui fait depuis son installation la renommée de l'établissement. Donc, allez voir l'image, c'est assez particulier. C'est vraiment une toilette au sommet d'une montagne. Il y a un genre de petit trottoir en bois. Il faut imaginer que ça a été fait en 1939. Peut-être que le bois n'est pas si frais que ça. Et puis, on a une bécosse à l'ancienne, comme ici on avait au Québec, là, au-dessus du vide. Moi, ce qui me rappelle à moi, mon expérience, là, je vous en parle, je vous la partage avec le plus grand des bonheurs, mon expérience de toilette la plus spectaculaire, eh bien, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région de l'île de Vancouver, plus précisément dans le coin de Sombrio Beach. C'est une plage mythique où tous les jeunes, les ados et les jeunes adultes trippent. C'est vraiment un endroit mythique pour aller faire du surf. Et c'est aussi un endroit où il y a une communauté de gens qui vivent reclus, qui vivent un peu de façon vraiment simple. Là-bas, c'est des terres de la couronne, comme on peut dire. Et il n'y a pas de prix d'entrée. On peut s'installer là. Et il y a une genre de bande riveraine de 500 mètres qui est magnifique. C'est des rainforests. Et puis après, par exemple, c'est comme un écran de fumée pour cacher que derrière, c'est des clear cuts à perte de vue, ou presque. Ça, c'est un peu plus triste, par contre. Mais dans la portion là, du demi-kilomètre tout le tour de l'île, eh bien, la forêt est vraiment extraordinaire. Et à flanc de montagne, vis-à-vis, en regardant vers l'ouest, eh bien, il y avait une toilette qui était juché dans la montagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être une bécosse là, comme on voit là, ou comme nous à l'époque dans le temps ici au Québec, eh bien c'était une toilette, mais qui était seulement jusqu'à hauteur à peu près, un peu plus haut que la taille. Donc tu fais ce que t'as à faire, Et devant toi, c'est tout le tour, c'est à 360 degrés. C'est la plus belle vue que tu peux pas avoir à peu près au Canada sur coucher de soleil ou sur l'océan Pacifique. C'est génial et ça m'a fait réellement penser à cette nouvelle. Et restons dans les toilettes, hein. On est là-dedans, et surtout après avoir entendu Poirier. Les plus vieilles latrines au monde fréquentées par des reptiles. Le titre m'a quand même accroché. Donc, chez de nombreux mammifères, déféquer dans des latrines communes est de la plus haute importance, non seulement d'un point de vue biologique, mais aussi social. Certains reptiles l'avaient déjà compris voici 240 millions d'années en Argentine. OK. La définition scientifique de latrine commune, des lieux où des individus multiples défèquent à maintes reprises et de façon répétée, produisant un amas de crottins, rappelle cette étude publiée jeudi dans la revue britannique Scientific Report. Les biologistes ont alors constaté de telles pratiques chez de nombreux mammifères actuels, entre autres les carnivores, les primates, les rongeurs et même des marsupiaux. L'usage des latrines communes est particulièrement fréquent dans les troupeaux de grands herbivores d'un poids supérieur à 100 kilos, comme les équidés, les antilopes, les rhinocéros, les éléphants, les camélidés d'Amérique du Sud. OK? Donc, pour ces animaux sociaux, un tel comportement est une affaire d'hygiène ainsi qu'un moyen de promouvoir la communication au sein du groupe et donc aussi la reproduction. Il permet également une meilleure défense contre les prédateurs. Il s'agit d'une pratique ancestrale, comme en témoignent les crottes minéralisées, les croplites, découvertes dans certains gisements fossiles chez les hyènes préhistoriques, notamment. Une mine de renseignements sur les habitudes des auteurs de ces crottes et sur les milieux dans lesquels ils vivaient. Les plus vieilles latrines identifiées à ce jour datent de 220 millions d'années et toutes avaient été fréquentées par des mammifères, jusqu'à ce que des chercheurs exhument dans le nord-ouest de l'Argentine un trésor jonché de crottes fossiles, jusqu'à une centaine d'étrons par mètre carré et à certains endroits, de formes et de tailles variées, de 1,5 à 35 cm de diamètre. Les 30 000 croplites répartis sur plusieurs sites ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agissait bien de latrines communes vieilles de 240 millions d'années. Et d'après l'analyse minutieuse effectuée par Lucas Fiorelli et son équipe, ces bouses préhistoriques ont été produites par de grands reptiles de la famille des dixénodontes, des herbivores géants, méga-herbivores, qui côtoyaient donc les premiers dinosaures. Cela indique que ce comportement complexe, typique des mammifères, était déjà présent chez une espèce qui précède de beaucoup les mammifères, dont les premiers seraient apparus environ il y a 225 millions d'années, conclut cette étude. Vraiment très intéressant, toutes ces histoires de toilettes. Pardon. Et avant de partir en pause publicitaire, parce que ça approche, on est rendu là déjà, eh bien, je vous propose d'aller voir une vidéo. Moi, c'est la vidéo du jour et de loin. C'est une carcasse de baleine qui explose à la tête d'un biologiste. C'est magnifique. Allez voir ça, c'est génial. Donc, c'est une vidéo assez choquante, moi, je trouve pas, et peu ragoûtante, peut-être. Et ça fait actuellement, bien sûr, le tour du web, c'est normal. La carcasse d'une baleine a tout simplement explosé devant un biologiste. Ça s'est passé sur les îles Féroé, que cette scène, donc, s'est déroulée. La baleine en question a péri après s'être échouée. Sa carcasse devait être récupérée afin d'être exposée dans un musée. C'est Benjamin Mikkelsen, un biologiste et employé du musée national des îles Féroé, qui apparaît sur ces images. Sur la vidéo, on peut voir donc l'homme proche de l'immense mammifère muni d'un grand écarteur qui devait découper la chair de la baleine. Il ne s'attendait certainement pas à cela. À peine a-t-il réalisé une infime entaille proportionnellement à la taille de l'animal marin que ce sont tous les organes ou presque qui ont jailli, telle une éruption volcanique. Tout a explosé de manière exubérante et l'ensemble des organes s'est répandu partout sur le sol. De son côté, M. Mikkelsen exerçait cela pour la toute première fois. Effectivement, plutôt habitué à travailler dans son musée, il avait été appelé par l'administration du musée national pour découper cette carcasse de baleine. Toutefois, le biologiste ne s'attendait pas à ce que quelque chose du genre arrive. En effet, cette explosion a été due au gaz, bien sûr, contenu dans le corps de la baleine échouée. L'animal était âgé de plus de 2 jours quand on s'est occupé. Donc, nous étions conscients qu'il y aurait eu une certaine pression à l'intérieur. Mais peut-être pas tant que ça. On pouvait pas s'imaginer que cela se passerait comme ça. Ça a été une grande surprise, blablabla, un choc, etc. Ça continue. L'enregistrement de cette vidéo date du 26 novembre et il a déjà fait le tour du monde en quelques secondes. Ici, tout le monde en parle, a indiqué M. Mikkelsen. Déjà, hier, c'était à 1,5 million de visionnements.